déchirer. C'est tout ce que j'ai trouvé, et puis c'est tout ce qu'il tolère. Trois semaines que je suis dans ce trou et rien n'est encore décidé. Dis à la petite Elfort, dis-lui que papa viendra peut-être. Que son père est dans une cage, qu'on lui a coupé les ailes. Ils peuvent museler ma gueule, mais je ne baisserai pas la tête. J'ai trop d'amour en moi pour réfuter que la vie est belle. J'ai trop d'honneur en moi pour accepter de vivre comme une bête. Ma puce, j'écris ces mots sur un vieux journal déchiré. C'est tout ce que j'ai trouvé, mais c'est un verre d'eau dans mon désert. Ce soir le verdict est tombé. Il faut vous soyez fort, car j'ai pris à perpétuer.